galérer dans le bloc à 13. Faut t'envoie la pomme cassis, que ça parte, que ça choue, que des coups en traite. 48 heures au 3-6, si je vais dans le poste, on arrive à oui. Les jaloux, ils sont pas prêts, j'écrivais, je dormais pas pendant toute la nuit. Y'a pas un chat, ils sont tous chauffés, j'en ai marre de tout, faut que je me barre de là. En ce moment, rien que je gamberge, c'est la crise, y'a pas un pour la khira. Faut bosser dur comme un golden. J'en vais mieux, moi, ma tête, c'est la pyramide. Maintenant, tout le monde connaît, c'est l'allemand, je vous ai dit, tout en y j'arrive. Je veux réussir, ils sont tous choqués. Ils sont tous choqués, je veux réussir, ils sont tous choqués. M'en voulais pas, je vais rester moi-même, ils sont tous choqués. Quand t'aimes pas, tu me critiques, je m'en bats les couilles. Je vous calcule pas, je fais ma vie. Tu me soutiens, t'aimes mes sons, tant mieux, c'est cool. Je vous remercie la famille. Au quartier que ça donne, mais le son à balle. J'arrive, je vais foutre mon bordel. Je suis trop chaud, je vous ai dit, cette année j'ai la dalle. On tient ta femme, elle est trop open. Elle est trop open, elle fait croire que t'es le seul qu'elle aime. Tu tournes en rond, et ouais, le gros, tu me fais de la peine. On me connaît même pas, qu'ils me critiquent, ils ont la haine. J'essaie de m'en sortir, ils font rien de leur vie, c'est pour ça qu'ils se plaignent. Je vous l'ai déjà dit, ce que je veux c'est m'en aller. Ils me calculaient pas, maintenant je sais pas, ils viennent me parler. Je vous l'ai déjà dit, ce que je veux c'est m'en aller. Ils me calculaient pas, maintenant je sais pas, ils viennent me parler. J'ai tourné, j'ai traîné avec les ratus. Même devant le but, je fais la passe. Ça disait aux clients, évite le percus. La conso dans les couilles se gâche. J'ai plein de comptes, quand faut payer, tu veillais. On ne voit plus quand y'a bagarre. C'est les rap, plus limite après une paye. Ça se lève tôt et ça rentre tard. Ça fait fort à 6h, c'est perquise. Assume tes roses, c'est la base. Avant c'était parpaing sur pare-brise. Maintenant ça court quand il passe. J'fais ma vie en solo, mon chemin je trace. Mais en ce moment, c'est la hesse. N.I.A. c'est qui, c'est mon poteau race. On aime la vie quand c'est tout blec. Ça fait un moment qu'on me dit que je prends de l'ampleur. Je me rappelle d'un temps, je comptais même plus mes galères. J'étais plus qu'à poil, j'avais pas de galop, j'avais même pas l'heure. Je suis mal placé pour faire la morale, je suis pas exemplaire. Pour les petits les ratos qui mettent la cagoule. J'attends l'été, je vais faire là. Alors bien wesh le son, est-ce que je fais ça goûte. J'aimerais le but traîne avec Kerla. Si j'en traîne dans la tête c'est à coco. Je mélange rien dans la coca. Toi t'es là, tu fais le mec genre t'as l'écro. C'est qu'une carotte comme c'est nourrant. Tu sais pas mais j'écris ça fait des années. J'enregistre ça fait quelques mois. Ils se demandent ça vient d'où on est lyonnais. Y'a pas chez nous pour faire ta loi. Dans la caisse que ça roule ça gaz à mort. Parce que c'est la zone sa mère. Je fais tout ça que j'écris pour changer tes corps. Rien à prouver à tes bouches à merde. Je vous l'ai déjà dit, ce que je veux c'est m'en aller. Ils me calculaient pas, maintenant je sais pas, ils viennent me parler. Je vous l'ai déjà dit, ce que je veux c'est m'en aller. Ils me calculaient pas, maintenant je sais pas, ils viennent me parler. Je vous l'ai déjà dit, ce que je veux c'est m'en aller. Ils me calculaient pas, maintenant je sais pas, ils viennent me parler. Je vous l'ai déjà dit, ce que je veux c'est m'en aller. Ils me calculaient pas, maintenant je sais pas, ils viennent me parler. Je vous l'ai déjà dit, ce que je veux c'est m'en aller. Ils me calculaient pas, maintenant je sais pas, ils viennent me parler.